La communauté internationale exige catégoriquement des États-Unis le retrait de la politique d'hostilité envers la Corée complètement échouée. Le Comité national d'études du kimsunisme kimjonglisme du Nigérien a écrit dans son homepage d'Internet que la politique d'hostilité américaine à l'égard de la Corée est le produit d'une chimère anachronique cherchant partiellement à satisfaire des besoins banditistes sans égard à la réalité changée et au courant de l'époque. Le homepage d'Internet du groupe russe pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée a affirmé que la réalité de la Corée d'aujourd'hui, qui est entrée authentiquement au premier rang des puissances nucléaires, est le résultat de la politique américaine d'hostilité envers la Corée, politique de menace nucléaire anachronique. Par ailleurs, le journal indonésien Quotidien International a fait part de l'exigence de plus en plus sévère de la communauté internationale pour le changement de la politique américaine en question, alors que le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes Paektusan 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des Zhuzhe ont publié une déclaration commune réclamant à Washington de voir correctement l'histoire des dizaines d'années de sa politique d'hostilité envers la Corée, y compris la défaite cuisante dans la dernière guerre de Corée, avant de souligner que si les Américains négligent la réalité, ils ne connaîtront que des échecs. Le Forum allemand anti-impérialiste a déclaré que les États-Unis doivent retirer la politique d'hostilité envers la Corée de longue date et conclure un accord de paix sans condition préalable avec la position sincère pour l'amélioration des rapports coréen-américains. En outre, en disant que la Corée sauvegarde sûrement la souveraineté du pays, la dignité de la nation, ainsi que la paix et la stabilité de la région et du monde entier, le président de l'Institut bangladais des idées du Juche a affirmé que le peuple coréen dirigé par son excellence Kim Jong-un remportera à coup sûr la victoire finale, en dépit de tous les empêchements des États-Unis et de leurs forces suivistes.